بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, ces rappels tirés du livre de l'imam Al-Qayyim rahimahullah, La maladie et son remède, en fait, sont un moyen, inshallah, d'essayer de corriger notre relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration qu'on lui voue. Vouer l'adoration à Allah Azza wa Jal avec science, avec connaissance et non pas avec insouciance. Et on se rend compte que très souvent, et ceci arrive à tout le monde, de tomber dans l'insouciance lorsqu'on fait les rappels, que ce soit après les prières quotidiennes ou les rappels du matin et du soir. Il nous arrive qu'on peut, par exemple, prononcer les paroles de rappel tout en regardant ailleurs, à droite, à gauche, qui c'est qui rentre dans la mosquée, qui c'est qui sort, ou bien on est à la maison, on regarde un tel, et puis on fait les prononciations, ah oui, et puis on fait salam avec la tête à quelqu'un pendant qu'on est en train de faire les prononciations, et on ne se rend pas compte, en fait, des erreurs que l'on commet dans cela. Car le problème de ces erreurs commises font que Allah Azza wa Jal ne répond pas aux invocations du serviteur qui les fait, alors que ce serviteur-là a un cœur qui est insouciant. Il est dans l'insouciance là. C'est-à-dire qu'il n'a pas la présence du cœur qui fait qu'il réalise ce qu'il est en train de prononcer. Il réalise le poids des mots qu'il dit, qu'il prononce. Donc, étant donné que il ne réalise pas, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire qu'il les dit parce qu'il les connaît par cœur. D'accord? Mais il y a une différence entre réciter par cœur. C'est comme des imams qui vont réciter par cœur le Coran, ils font les tarawih, etc. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ils vont répéter, ils vont répéter, ils vont répéter. Oh, ils méditent pas sur ces paroles-là. Oh, vous qui croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et ce sont des imams qui ne suivent pas la sunna, qui n'appliquent pas la sunna, qui ne donnent aucune importance aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant des sunnas qui sont obligatoires à appliquer. Et donc c'est une récitation comme ça, qui est dans l'insouciance. Le cœur, il est insouciant, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. Et le changement s'opère lorsque le musulman ou la musulmane, lorsqu'elle fait ses rappels, elle est en état de faire ses rappels. Elle ne fait pas les rappels, juste elle les prononce 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdoulilah, 33 fois, Allahu Akbar, tac, tac, tac, tac, c'est fait, et puis là, là, là, et sans réaliser de ce qu'il dit. Lorsqu'on est dans la salette, on est en inclinaison, d'accord, en rukou', et on dit, subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, 3 fois. Est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de dire? Subhan Rabbil Azim. Est-ce qu'on réalise ce qu'on dit lorsqu'on est... C'est minimum 3 fois, ça veut pas dire qu'on dit que 3 fois, mais l'imam, il allonge le recours. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Yani les invocations qui sont mentionnées dans la sunna. Subhan Rabbil Azim. Et lorsqu'on est en sujoud, Subhan Rabbil A'la, yani très souvent on tombe dans l'insouciance. On dit Subhan Rabbil A'la, Subhan. Comme ça, tac, tac, tac. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. On est en prosternation. On est plus proche d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on est en prosternation. Et on dit Subhan Rabbil A'la, glorifié soit-il le Très-Haut. Est-ce qu'on médite sur ces paroles-là? Glorifié soit-il le Très-Haut, et ensuite on invoque Allah Azza wa Jal. Yani, on voit les dangers de l'insouciance. Où est-ce que ça mène? Puisqu'Allah Azzawajal, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné qu'Allah ne répond pas à l'invocation de celui qui l'invoque, ayant son cœur insouciant. Il est insouciant. Il n'a pas la présence du cœur qui fait qu'il médite sur les paroles qu'il dit. Donc ça, c'est une partie. D'accord? Donc, on caractérise la maladie et on lui définit son traitement. C'est la stratégie, en fait, et c'est la méthodologie du livre de l'imam Al-Qayyim, rahimallah. C'est pour ce, c'est pour notamment ce point-là que je trouve qu'il est très bénéfique, inshallah, de le partager à tous mes frères et sœurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Nul d'entre vous croira véritablement jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc comme je souhaite qu'Allah Azza wa Jal me facilite à améliorer mon adoration vis-à-vis d'Allah, à ce que je sois plus concentré, plus, de faire en sorte que mon cœur soit plus présent. Et ça, ça demande de la concentration. Que le musulman se focalise sur ce qu'il fait dans l'acte d'adoration. Qu'il n'ait pas un cœur insouciant. Dans tous les actes que l'on fait dans cette dunya-là, d'accord ? Eh bien, on doit se rappeler, barakallahu fikum, qu'Allah nous a créés pour qu'on l'adore. D'accord ? Et ce n'est pas comme les égarés, les ignorants disent, le travail c'est une adoration. Tu travailles pour faire en sorte que tu ne demandes pas aux gens. D'accord ? Tu travailles pour faire en sorte d'établir les causes pour recevoir la subsistance qu'Allah t'a décrétée. D'accord ? Tu travailles pour faire en sorte d'avoir les moyens de subvenir à tes moyens. Donc on l'utilise comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallah avait mentionné, c'est que on utilise donc les moyens, que ce soit monétaire, l'argent, etc., comme on utilise un mulet, d'accord, on monte sur un mulet pour se rendre d'un point A à un point B. C'est tout. C'est un moyen et ce n'est pas un but en soi. D'accord ? Et lorsqu'on applique ça dans la vie de tous les jours, à essayer d'avoir le cœur plus présent, à essayer d'être constamment constant, qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment, qu'Allah Azza wa Jal connaît parfaitement ce que cachent les cœurs et connaît parfaitement ce que l'on pense et ce que l'on croit et ce que l'on fait et ce que l'on dit. Donc ceci le mènera, Inch'Allah, à corriger sa relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui entraînera une amélioration de sa relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ce qui découlera sur son environnement. Il respecte les droits d'Allah. Ceci découlera sur le fait qu'il respectera les droits des gens. Donc, c'est pour cela que on va, Inch'Allah, avoir toute une série comme cela de rappels. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous le facilite à tous et qu'Allah fasse que ce soit fait sincère pour lui seul. En espérant que cela bénéficie déjà ma propre personne et bénéficie les frères et sœurs, Inch'Allah, pour qui cet audio les atteindra. Les différents audios qui découleront d'eux. Des traductions, des passages du livre de l'imam Al-Qayyim, rahimallah, Ad-Dawa, Ad-Dawa, wa barakallahu fikum, subhanakallahu, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilayk. Votre frère Karim Ben Amr.